Y'a chef, c'est si, chef, c'est là. HSS, il est comme ci, il est comme ça. HS, c'est le type un peu bizarre. Kiffe les porno stars, les Rachel, Naomi ou Katia. Cinq doigts dans le calcif sur le sofa. Appelez le A, le Bundy. C'est les types que M, si ne l'embauchez pas. Si vous connaissez ce type comme nègre, y'a pas plus fumard. Il remplit pas ses jeans. Il le met au régime, il perd un bras. Il a tenté la gym. Cette allumette ne sera jamais une batte. Soi-disant le blues, soi-disant le groove. Lundi, faut de la boulette, mardi, c'est de la bouse. Passe son temps à taper les pauses. Il se passe, passe de fesses, de toute façon, je suis the boss. C'est trop speed, trop de style, trop de flim. On se sape, trop de rime, trop de face, trop de classe, en clair, quoi. Ça, c'est ce qu'il peut entendre, enfin, c'est ce qu'il croit, c'est bon. À fond sur son nuage, le putain, fait le ton descendre. Dis-moi, c'est qui ce type? Qui ça, celui-là? C'est qu'un petit killer au micro. C'est ce qui veut dire un pur style de punchliner. Mais vas-y, dis-moi, c'est qui ce type? Qui ça, celui-là? C'est qu'un petit killer au micro. C'est ce qui veut dire un pur style de punchliner. Mais vas-y, N.A.S. micro. Ah, des claques, des claques, des claques. Cut.